نحن صلينا في المسجد أنت صليت في المسجد أنتما صليتما في المسجد أنتم صليتم في المسجد أنتنا صليتنا في المسجد هو صلى في المسجد في المسجد هما صليا في المسجد Donc là, on rajoute le alif à l'isnaïn. Sallaya ou sallaya? Sallaya. Sallaya. Avec le fatha sallam. Tasi'an. Huma, là c'est deux femmes. Sallayata fil masjid. Là, il y a le bintan. C'est pour deux femmes. Ashiran. Hum. Sallu fil masjid. C'est ça dont tu parles là? Ouais, c'est ça. Le alif, comme au jama, tout seul, il vient toujours. Mais ça, c'est à l'écrit, ça. Je ne le prononce pas, bien sûr. Et là, pareil, pourquoi on n'a pas dit on a enlevé le ya pour les mêmes raisons que le mot d'Aria. Vous voyez, pour les mêmes raisons. Taïb. Hani Ashar, Hunna, Sallayna, fil masjid. À la base, c'est Solla, comme on a dit, Solla. Et lorsqu'il s'attache à un damir, le alif, il se transforme en ya. Tu dis sallaytu. Vous voyez, sallaytu. Thalithan, yakul, stabdil kama fil namoudhaj. Yakul, ana, ou salli, fil masjid. Ensuite, il veut mettre avec Damir Hua, ou il salli fil masjid. Mala sahel. Tfaddal al-awwal. Hiya. Hiya, tu salli, fil masjid. Naam. Huma. Huma. Là. Le reste. Yusallayan. Non. Hum. Hum yusallun. Non. Fimasjid. Hunna. Hunna yusallayna fimasjid. Il n'y a pas de fatha. Le fatha, c'est son mardi. يصلينا نعم أنت تصلي في المسجد أنت تصلين في المسجد أنتما أنتما يصلي لا أنتما سبيا المخاطب أنتما تصلين لا أنتما تصلينا لا تصلينا تصلينا لا مش معاك ولا بقى جوست رجعت عندي فهمون تصلينا لا يعني أنا نلغي جوست أضيف أيوة تصلينا فقط في المسجد أنتم تصليون في المسجد لا يصلي لا يوم با تصليون في المسجد نعم نحن نصلي في المسجد طيب رابعا أخي التدريب السابق بوضع الفعل صلى موضع يصلي on fait pareil là avec le mardi maintenant. تفضل المهم سوف كلهم في صالة وماضي هي صالة pas dur. Là. Amdak. Sallayat. La L tika sakinein, donc j'ai enlevé une lettre. Donc comment tu dis? Salat. Salat. On va le hadith, parce que le tek, il y en a un, mais c'est sakin. Il y a salat. Le masjid. Houma. نعم هم سلمي في المسجد نعم هن هن سلمينا نعم أنت سلمينا في المسجد أنت أنت سلمينا في المسجد أنتما أنتما سلمينا في المسجد نعم أنتم نحن خامسا سكنمون املا الفراغات في الجمل الاتيه باختيال كلمات مناسبه مما يلي دونك ميت لي مو دون لي ترو دون لي فراس سيفونت وحدك سي توصل جزءا بارتي المساجد معروف يؤمن الخوا النبي لو بروفيت الجمل هي الاولى الحديث الشريف وما قاله فراغ صلى الله عليه وسلم دونك لو نوبل حديث سي celui qui a dit le trou صلى الله عليه وسلم ثانيا الصلاه في الجماعه افضل من صلاتك فراغ دونك la salat en groupe est meilleure que ta salat dans le trou. ثالثا وان فراغ لله فلا تدعو مع الله احدا اي سيرت لو ترو pour Allah alors n'invoquez avec Allah personne. هذا معروف. رابعا الذي فراغ بالله يقول خيرا celui qui trouve par Allah dit du bien ou en Allah plutôt dit du bien. خامسا محمد يقرا فراغ من القران كل الصباح دونك محمد لي لو ترو دو قران كل ماتا او شاك ماتا بلوتو شاك ماتا نعم ثم يقول اقرا الايتين ثم اكتبهما في كراستك دونك لي لي دو فيرسي اي اكري لي دون تون كاليي وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا في سياق لمسكي سنتو الله نبوك avec الله بيحسن هذا هو الفصل الذي يبقى وإنما يعمل مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر et juste se rendre ou plutôt on va dire vivre dans le sens de vivre c'est qui se rendent quoi dans les mosquées d'Allah celui qui croit en Allah et au jour dernier de là chez les fatambis que le hadith qui dit que celui qui vient au masjid alors témoigne de son iman que c'est un mu'min. Il y a du hadith, il est daïf, mais il a une origine, c'est ce verset. Vous voyez, l'origine, c'est ce verset. Donc, « Hadal Khamis, l'irad, Inch'Allah. » Donc, d'après, il est « Ad-Dars, Al-Sadis, ou Khamis, ou Ashrin, bi Anwan, ila al-Masjid. » Au Masjid. « Al-Kalimat al-Jadida, al-Mu'adzinu. » المؤذن هو الذي يؤذن طيب طيب في الأذان نادى ينادي فسي أبلي طيب أبلي كيكين ولو العصر معروف الصلاة الوسطى الصلاة الوسطى استعد يستعد سبريباري طيب سبريباري كبر يكبر تكبيرة الإحرام سلفت جاء الله أكبر يكبر سلفت جاء الله أكبر تكبيرة سي الإسفشن وان المم تكبيرة الإحرام سي سي كون دي لسكون كونس الصلاة لكم التكبير كنت في الصلاة يسمى بتكبيرة الإحرام ركعة معروف ce qu'ils appellent unité le salat. Zanna yadhunnu, c'est penser.

المبتدا اللي هو المسلم يكبر للصلاة المبتدا المبتدا il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas de piège. Ah, oui. C'est le premier nom qui vient au début de la phrase. Marfou. Et le khabar Le khabar, c'est le jumel fi'aliya. Non. Le khabar, c'est le jumel fi'aliya qui est derrière. Dans une phrase verbale. Moi je me souviens qu'il n'y avait pas de mubtada de khabar. Où la phrase verbale là ? Hein ? Elle est où ? Ben là c'est une bopo. C'est une phrase de. Ah, ça dit je me fais lire, elle dit ? Bopo, ouais. Al muslimoun, yukabbirouna les salas, je me fais lire là ? C'est quoi je me fais lire ? C'est une phrase qui commence par un verbe. Il est où le verbe là ? Ben, donc, je me... C'est quoi je me suis lire ? C'est quoi que tu as en premier là ? Ah non. Vous êtes là, ok. Taïeb. Thaniyan, al-mu'allimuna yudarrisuna al-talaba. Thalithan, al-mu'andisuna yassumuna al-kharita. Rabi'an, al-mu'azzafuna ya'maluna fil-funduq. Khamisan, al-musafiruna ya'jizuna lil-safar. Sadisan, al-katibuna yatanawaluna l'iftar. Moi en fait, il faut que je change le mot à chaque fois. De la sixième phrase. Kadib, c'est l'issue de quel verbe ? Non. Rabi'an. Maintenant, c'est hier. El muslimatu tukabbiru bis salah. Aïe, hier. El muallimatu tudarrisu al talibat. Thalithan. El muwazzafatu ta'amalu fi mustashfa. Rabi'an. المسافرة تحجز للسفر. خامسا الطالبات تتناول الإفطار. Ensuite c'est هما بفمينا. طيب هما بفمينا. المسلمتان تكبران للصلاة. المعلمتان تدرسان الطالبات. الموظفتان تعملان في المستشفى. المسافرتان تحجزان للسفر الطالباتان تتناولان الافطار معناها صحيح هن مؤنث جمع المسلمات يكبرن للصلاه وليس عليك دون النساء ثانيا المعلمات يدرسن الطالبات ثالثا الموظفات يعملن في المستشفى. رابعا المسافرات يحجزن للسفر. خامسا الطالبات يتناولن الافطار. شيخ ذو قمي المهندسات ترسموا الخريطة. لوكسي با تاي دو فام الوغ. لو با دي باغي دو فام. المهندسات. على بس الى لابيزو. Il n'est pas mère Philippe. Pas de balle. Ça va être très bon. Ça veut dire quoi qu'elle aura appris ça dans une école. Et généralement, les écoles d'architecture, c'est des hommes qui aiment beaucoup. Donc ça amène à l'air Philippe. Ouais, demain, il y a un jour. En tout cas, le premier exemple avec les femmes, c'est surprenant et c'est une bonne chose. Enfin, t'es mecs qui fassent d'autres choses comme dans le livre, comme Salam alaikum. طيب سابعا يقول حول في النموذج النموذج يقول الصائم يتناول الإفطار أقف المتع مثنى الصائمان يتناولان الإفطار طيب الجملة الأولى عندك المسافر يرجع من الرحلة le voyageur revient de voyage كيف تقول المسافران يرجعان من الرحلة. نعم. ثانيا المصلي يسجد لله. سوري في الصلاة في القسطان بو الله. المصلان. لا. المصليان. نعم. يسجدان لله. نعم.

Aïe, hein. Si, tu l'as, sur le bout de la langue. Aïe, sors-le. Oh, tu l'avais là, qu'est-ce qui s'est passé? Quand tu l'as rentré, t'en sorti un autre. Il était là, là. Je sentais le dire, là. Allez. Attends là-bas. C'est quoi le dernier qui fait bien Roum quand tu l'attaches à un fiel? Hein? Il est le talif. C'est lequel le dernier? C'est le waouh, non? Ah, il c'est ce que là tu me donnes avec. Ça me donne rien. Ah, il sol loun. Al-Asr. Al-Talibat. Al-Talibat. Il sol loun. Mais il n'y a pas de Salina. Salina al-As. Nam. Anna. Anna ou Sali. Nam. Antum. Antum tu salun al-As. Al-Muhandisuna. C'est même que toi là-bas. Al-Muhandisuna. Aïe. Al-Muhandisuna. Yusallu al-As. Yusalluna. Yusalluna. C'est quoi le problème? Nous Ah, regarde, trois fois de le même là, Mashallah. C'est vraiment. C'est les asbabs pour vraiment le réussir celui-là. Allez, vas-y. Hum, c'est le même. C'est le même que tu as là-bas, là, comme on dit ça. C'est le même, mais pas de différence. Aya, Kul. Non, c'est un lem, c'est pas un nun. Salla. C'est un lem. C'est pas un nun. Lem. Toi, t'as dit un nun, toi, à la place du lem, dans le verbe. C'est pas un nun, c'est un lem. Yusol. Aïe, quoi? Yusol, c'est ça? Non, justement, pourquoi tu mets un nun? C'est un lem. Yusol. C'est pas Yusol. Yusol, ah, t'as pas dit l'aime, tu dis un noun, toi. Yusol noun, t'as dit, toi. Non. Si, c'est pas ce que t'as entendu, toi. J'ai entendu ça. Ah, ouais, on entend un noun. C'est fait où? Allez, dis-le. Hum, Yusol. Ah, c'est tu vois, t'as dit un noun encore, là. Yusol noun. Là, pourquoi tu mets un noun après l'aime? Après l'aime, directement le wow. Ah, Yusol noun. Yusol noun. Yusol noun. D'où il sort ce noun, là? Yusol noun. Allez, range-le. Ce nom là, range-le. Ah. Il n'a rien à faire là. Hunna. Hunna. Yusallina. C'est même que le talibat. Yusallina. Nam. Anta. Anta. Yusallina. Nam. Anti. Anti, Yusallina. Et le 13, je ne sais pas ce qu'ils veulent. Attends, on leur laisse. Ça y est, bien. Salis Achar, 13e mot. Imel Farahad, du Kalimat il Munasiba. Donc là, ça vous trouve les mots de vous-même et compléter les phrases. Adal Irad, Inch'Allah. Nakral le Jumel, Hatanara, Annakum Fahim Tumuha. Le seul les musulmans, la fille. Le mot à mettre. Fanien, Yakul l'imam, Ander Rukur. Qu'est-ce qu'il dit l'imam? Là vous mettez la phrase qu'il dit l'imam, un recours. Au moment où il fait recours, qu'est-ce qu'il dit? Salisan, salat farah, afdalu min salat ahadikum farah. Donc la salat kada kada est meilleure que la salat de l'un d'entre vous, kada kada. Rabian, al muzilu farah li salat. Donc il faut l'appeler la salat, la salat. Khamisan, yakra'u farah khutbat al jumu'ah. Donc, quelqu'un récite la khutbah du Jumu'ah. Sadisan, Farah, Yaqifu, Dakhalfa, l'imam. Donc là, c'est Waqafa, Yaqifu, c'est venir se tenir debout là. Donc là, il y a un mot à mettre, tu vois, c'est debout derrière l'imam. Sabi'an, Intaha, Abdullahi, Farah, Al-Wudu'i. Tabi'u. Donc Abdullah a terminé, Al-Wudu'i.